La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours cherché à dompter l'eau en édifiant des ouvrages qui pour certains dépassent l'entendement. Il s'agit de barrages, de canaux ou de polders. Ces structures sont le fruit de chantiers considérables et du travail de milliers d'ingénieurs et d'ouvriers. Ce soir, France 5, dans sa case Sciences Grand Format, propose un tour du monde en forme d'enquête scientifique pour comprendre comment ont été imaginés et construits ces édifices hors normes. C'est l'objet d'un film documentaire Barrages et canaux, les maîtres de l'eau, à voir à 20h50. Et on en parle dans un instant avec mes invités. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et c'est l'avenir chaud des stations de ski qui est à la une de la science aujourd'hui. Et oui, dans 30 ans, à quoi ressembleront les sports d'hiver dans les Alpes ou les Pyrénées? La réponse avec notre invité dans un instant. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà un tour du monde des grandes structures qui ont permis la maîtrise de l'eau. C'est le dossier de la tête au carré cet après-midi, donc en lien avec ce film documentaire à voir ce soir à 20h50 sur France 5. Et pour en parler, je reçois le physicien Frédéric Restagno et Emmanuel Sudre, qui est co-auteur du film avec Marina Boyenval. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Ce film, c'est donc Barrages, canaux, les maîtres de l'eau. Et Frédéric Restagno, vous avez été le conseiller scientifique justement du film, mais aussi le chanceux passeur qui a pu faire quasiment un tour du monde à la rencontre de ces structures. Vous êtes spécialiste de la mécanique des fluides et chercheur au CNRS. Comment est-ce que vous avez justement choisi les lieux que l'on voit dans ce film? Parce qu'ils sont nombreux dans le monde. Bah, les lieux, c'est d'abord un choix des auteurs du film et qui ont choisi de nous emmener là où les choses se font, là où les endroits les plus extraordinaires existent. Et par exemple, grâce à ça, j'ai eu la chance de voir plusieurs de ce qui sont considérés comme des merveilles du monde par les ingénieurs du monde entier. Depuis l'histoire de ces toutes premières structures, dans l'histoire des hommes, jusqu'à aujourd'hui les plus modernes, et c'est un bouleversement perpétuel finalement, dans la conception de ces ouvrages. À chaque fois qu'on veut construire un grand ouvrage, on est confronté aux lois de la physique. Et les lois de la physique, elles sont sévères. Et pour réussir à s'affranchir de ces lois, ou du moins à les dompter, il faut toujours repousser les limites. On verra effectivement de quoi il s'agit, on entrera dans les détails. Emmanuel Sud, donc vous êtes justement co-auteur de ce film. Donc c'était évidemment pour vous montrer le grand spectacle aussi de ces technologies aux spectateurs. Exactement, c'est une façon de montrer le grand spectacle de la science et de raconter des histoires et aussi de parler de science. De parler de science en faisant de la découverte et de parler de science en racontant aussi des histoires humaines, parce que derrière tous ces ouvrages, il y a des ingénieurs, il y a des ouvriers et il y a des histoires humaines incroyables. Alors après, on va dans plein d'endroits dans le monde. Tragique parfois aussi. Tragique. Très souvent, on le verra avec le canal de Panama. Notamment. On pourra le raconter. Et puis bien sûr aussi les enjeux environnementaux qui sont réels. Qui sont nombreux. Autour de ces structures gigantesques. Frédéric Restagno, votre travail, vous, en tant que physicien, c'est la mécanique des fluides. Qu'est-ce que vous étudiez exactement? Qui pourrait d'ailleurs être mis en lien avec ces grands travaux-là? Alors, pour être vraiment honnête, je fais effectivement de la mécanique des fluides, mais moi, les fluides que j'étudie dans mon laboratoire, c'est des fluides à toute petite échelle. C'est des gouttes? C'est des gouttes et des bulles. Ouais. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on rencontre dans les canaux, les barrages. Et pourtant, les lois de la physique, la pression, la gravité, tout cela, les écoulements, la viscosité, tout ça, c'est des éléments importants pour comprendre la physique de ces grands ouvrages. Donc c'est ça vraiment l'intérêt, de voir appliquer les lois de la physique à des objets aussi gigantesques. Donc ces lois restent les mêmes finalement, quels que soient les objets? Il y a une forme d'universalité dans ces lois de la physique, oui. On va en parler donc dans un instant, on va se retrouver donc pour évoquer quelques-unes de ces structures. On ira donc ce soir sur le canal de Panama, au barrage de Tignes, en passant par les polders des Pays-Bas. Et je signale aux auditeurs que l'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir les messages comme tous les jours. Les stations de montagne doivent montrer l'exemple, puisque le changement climatique, qui est quand même une réalité, impacte énormément les stations de montagne. Donc c'est dans leur mission, déjà, vis-à-vis de la population, de montrer l'investissement intellectuel et financier qu'elles font dans la transition énergétique. Et puis c'est aussi de façon à pouvoir assurer à nos clients de la neige en permanence quand on peut la faire de manière artificielle, et puis assurer à nos clients que la montagne sera toujours un lieu de vacances privilégiées. Voilà, c'est la voix du maire de Valloire en Savoie, Jean-Pierre Rougeot, et les stations de ski face à leur avenir. Eh bien, c'est le sujet à la une de la science, Axel, aujourd'hui. Oui, et des choix devront être faits pour s'adapter durablement au réchauffement climatique. Deux études menées par le Centre National de Recherche en Météorologie et l'IRSTEA à Grenoble dessinent un futur contrasté pour l'enneigement qui va bien sûr baisser. Comment s'adapter? Faut-il tirer un trait sur les sports d'hiver pour tous? Quelques éléments de réponse avec vous, Hugues François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur pour l'IRSTEA, c'est l'Institut de Recherche Scientifique et Technique pour l'Environnement et l'Agriculture à Grenoble. Et vous êtes spécialisé dans le tourisme et l'aménagement du territoire. Alors vous avez travaillé avec des climatologues et des météorologues pour essayer d'y voir un peu plus clair dans l'avenir des territoires de montagne. Et bien sûr, ce qui compte beaucoup aujourd'hui, c'est la neige. Qu'est-ce qui se dessine en 2050 pour ce qui est de l'enneigement dans les Alpes et les Pyrénées? Donc ce qui se dessine pour 2050, c'est effectivement qu'on aura de moins en moins d'hiver avec beaucoup de neige et de plus en plus d'hiver où la situation sera difficile. Pour vous donner un exemple, sans tenir compte de la fabrication de neige de culture, la situation qu'on connaît aujourd'hui, une année sur cinq d'hiver difficile, pourra se reproduire globalement une année sur deux d'ici à 2050. Donc ça veut dire que les hivers sans neige seront plus fréquents à l'avenir, c'est la chose la plus importante que vous retirez? C'est exactement ça. Il y aura effectivement de plus en plus d'hivers sans neige à l'avenir. Comme je vous disais, environ la situation qu'on connaît aujourd'hui, une année sur cinq, se reproduira une année sur deux. D'un point de vue pratique, ça veut dire plus de neige de culture, vous l'avez dit, plus longtemps et à plus grand coût, puisqu'il fait plus chaud et il faut la maintenir, c'est ça? Tout le problème de la neige de culture, c'est effectivement que c'est une méthode d'adaptation au changement climatique qui dépend elle-même des conditions de production, avec une diminution des rendements en fonction des températures de production notamment, ce qui fait qu'effectivement, non seulement il y aura besoin de plus de neige pour compenser le déficit d'enneigement naturel, mais en plus, la neige elle-même sera plus coûteuse à produire, à la fois en eau et à la fois en énergie. Alors comment est-ce que ça s'organise une saison de ski aujourd'hui avec la culture de la neige? L'eau vient d'où et quand est-ce qu'elle est stockée? Racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans nos montagnes. Alors, de manière générale, l'eau, elle provient le plus souvent de retenues d'altitude qui vont être remplies avant la saison et qui vont être utilisées pour produire la grande majorité de la neige, elle-même étant produite principalement en début de saison. On va dire que 70 à 90% de la neige est produite avant même de savoir quelle sera la qualité de l'enneigement de la saison pour pouvoir créer une sous-couche qui va permettre ensuite de capitaliser la neige naturelle sur laquelle on va faire skier les skieurs. Est-ce que vous voyez apparaître une tension sur l'eau dans les années à venir pour 2050-2100 par rapport à la neige de culture? Alors, le fait est que la consommation en eau, elle va croître de manière significative. Jusqu'à présent, et jusqu'en 2025, selon nos projections, on estime que le principal facteur qui explique la croissance de la consommation en eau, c'est la croissance du taux d'équipement des stations. À partir de 2025, si on stabilise ce taux d'équipement, on se rend compte que la consommation en eau continue d'augmenter. Et là, effectivement, c'est le climat qui prend le relais. Et par exemple, pour donner des chiffres un petit peu, dans la période de référence à la période historique, on est plutôt autour de 35 millions de mètres cubes qui sont utilisés pour produire de l'eau. Et il y a des chances qu'en 2050, cette quantité d'eau, elle passe à 42 millions de mètres cubes. Mmh. Et qu'elle continue sa progression jusqu'à la fin du siècle. Et là, on est très dépendant du scénario, puisque c'est à partir de 2050 que les choses vont réellement diverger. Alors aujourd'hui, et ça c'est un autre chiffre, c'est moins de 10% de la population qui profite des sports d'hiver au moins un an sur deux. Et dans ce que vous décrivez, on imagine que c'est un chiffre qui va baisser puisque ça va coûter de plus en plus cher alors. Alors effectivement, aujourd'hui, les gens qui vont au sport d'hiver et qui profitent du loisir sport d'hiver, c'est une portion réduite de la population, mais il faut voir qu'ils font vivre cela une partie importante de la population de montagne. Et effectivement, il y a un risque qu'il y ait une diminution des séjours à la neige, puisque effectivement, les séjours à la neige, non seulement ils vont coûter plus cher en termes de séjour à la neige, mais en plus, on peut s'attendre dans l'avenir, et ça n'a rien à voir avec la manière dont on exploite les stations aujourd'hui, et c'est quelque chose qui s'adresse à l'ensemble du secteur touristique, à ce qu'il y ait une croissance des coûts de la mobilité, mais qui pourrait être particulièrement préjudiciable pour les zones de montagne, qui par définition sont des zones plus éloignées que d'autres. Est-ce que les stations de ski ne risquent pas aussi de subir le même effet que les compagnies aériennes, c'est-à-dire une baisse de leur image, une baisse de la fréquentation en raison de l'image un peu anti-écologique qu'elles véhiculent ? Bah, effectivement, on est en montagne, dans des écosystèmes qui sont particulièrement riches et spécialisés, avec déjà une urbanisation qui en tant que telle est assez marquante visuellement, mais en plus il y a le phénomène de déplacement qui consiste finalement à émettre des gaz à effet de serre pour se rendre dans un lieu lui-même menacé par le changement climatique. Et quelque part on est dans une forme de quadrature du cercle où aujourd'hui pour prendre le relais des clientèles nationales, on va chercher des clientèles de plus en plus loin et donc on augmente les émissions de gaz à effet de serre pour faire venir des gens en station et on menace d'autant plus l'évolution du climat qui est préjudiciable à l'activité de ces mêmes stations. Hugues François, est-ce que dans les modèles que vous établissez aujourd'hui, il y a une limite temporelle où le ski ne sera concrètement plus possible dans les Alpes et dans les Pyrénées ? On sait que cette date va arriver, forcément. Alors, les conditions vont effectivement devenir de plus en plus difficiles. Après, il faut voir que les choses sont dépendantes de plusieurs facteurs, notamment la localisation des stations, que ce soit en termes de massifs, puisque le changement climatique ne sera pas le même dans les Alpes du Sud et dans les Alpes du Nord, et ces effets ne seront pas les mêmes non plus entre les Alpes et les Pyrénées. Et il y a aussi une question d'altitude pour les stations de sport d'hiver, où bien nécessairement, vu que le réchauffement climatique, c'est la cause principale de la diminution de l'enneigement, plus on est haut, plus il fait froid, donc moins on est exposé à ce risque de diminution. Oui. Et les choses vont être effectivement assez contrastées d'une station à une autre, d'un massif à un autre. Merci beaucoup Hugues François. Je rappelle que vous êtes à l'ISTEA, l'Institut de Recherche Scientifique et Technique pour l'Environnement et l'Agriculture à Grenoble, et vous en êtes l'un des chercheurs. Merci beaucoup à vous. Et Axel, on se retrouve demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la NASA prévoit d'accueillir des touristes dans l'ISS l'année prochaine. Cette étape importante pour l'agence qui cherche à se désengager financièrement de la station pourrait commencer donc plus vite que prévu. Des séjours courts de 30 jours chacun, c'est ainsi que 12 touristes pourraient défiler chaque année dans la station spatiale. Les heureux élus seront transportés par les sociétés SpaceX et Boeing et ces compagnies seront en charge de les recruter et de fixer le prix des voyages. Le coût estimé par la NASA est quand même de 35 000 $ par nuit passée à bord. De belles vacances donc en perspective. Les vieilles forêts continentales résistent mieux au réchauffement climatique que les jeunes. L'étude menée aux États-Unis et au Canada par des chercheurs du Vermont montre que l'âge d'une forêt conditionne ses capacités à résister à des changements forts en termes de température et de précipitations. La robustesse des arbres eux-mêmes, mais aussi leur ancrage dans un écosystème varié et complexe, sont des points forts que les jeunes forêts n'ont pas forcément le temps d'acquérir. Les chercheurs conseillent de revoir les cycles de coupe pour valoriser le vieillissement donc des forêts au maximum. Et puis pour terminer, les dents invisibles du poisson dragon vivant dans les abysses. Ce poisson chasseur a des dents parfaites pour passer inaperçu dans un monde de bioluminescence. Tous ceux qui sont déjà allés en boîte de nuit savent à quel point l'émail des dents humaines brille sous une lumière ultraviolette. Eh bien, la structure des crocs du poisson dragon lui permet d'éviter ce genre de problème. Elles sont faites d'un alliage de structures nanométriques qui limitent les réflexions et de zones complètement vides. Les chercheurs publient cette analyse et ils imaginent s'en inspirer pour faire des céramique transparente. Allez, les barrages, les canaux, nous en parlons dans un instant avec ce documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 5. Vous marchez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguet. De l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine. Souvenir avec Yves Simon au Pays des Merveilles de Juliette. La tête au carré, Mathieu Vidard. Dontello. Une ambition que les hommes ont réalisée en édifiant des ouvrages exceptionnels. Barrage. Canot. Ou encore polder pour gagner d'immenses territoires sur la mer. Voilà, Barrage Canot et Les Maîtres de l'eau. C'est donc un documentaire de 90 minutes qui sera diffusé ce soir sur France 5, 20h50, dans le rendez-vous Science Grand Format. Et pour en parler, Frédéric Restagnaud, physicien spécialiste de la mécanique des fluides, chercheur au CNRS. Vous avez donc été, on l'a dit tout à l'heure, le conseiller scientifique de ce film réalisé par Marina Boyanval et coécrit avec vous, Emmanuel Sudre. Vous êtes réalisatrice de documentaires. Et donc, on va pouvoir découvrir ce tour du monde, Frédéric Restagnaud, que vous avez réalisé pour ce documentaire. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, la Grèce, le Panama, le Paraguay. Ouais. Venise. Voilà. Et puis la France aussi. Et puis Paris. Hein, et Paris aussi, avec le canal Saint-Martin. Donc tous ces lieux qui incarnent finalement cette recherche depuis les origines, au fait, de l'humanité sur la maîtrise de l'eau. Hein. Il y a toujours ce souci qui est là, présent. Ben oui, on peut dater, je crois, les premières tentatives, les premiers proto-canals de Suez, par exemple, à l'Antiquité. Donc c'est dès l'Antiquité, on a essayé de maîtriser l'eau pour trouver des chemins qu'elle ne parcourt pas naturellement, par exemple. Ouais. Emmanuel Sudre, donc c'est ça aussi l'idée du film, hein, c'est de montrer scientifiquement comment on a réussi à dompter l'eau depuis au moins l'Antiquité, hein, puisque j'imagine qu'on a essayé de le faire largement avant. C'est ça, c'est l'idée, c'est vraiment un voyage scientifique, une enquête scientifique dans l'espace et dans le temps, de remonter, d'aller sur divers lieux qui chacun présente des différentes techniques qui ont été élaborées au fil du temps par les ingénieurs et de raconter tout ça et de faire ce voyage et de faire de la science et de découvrir et des beaux ouvrages, parce que c'est quand même, on n'imagine pas comme ça. Si je vous dis, moi, un canal c'est beau, un barrage c'est beau, en fait c'est des ouvrages magnifiques. C'est pas beau, c'est époustouflant. Hein. Ouais, c'est époustouflant, ouais. Et il y a quelque chose de saisissant, hein, quand on les voit. Frédéric, quand il est au pied, j'imagine que, enfin, ce qu'il ressent, il y a vraiment quelque chose d'époustouflant là-dedans, ouais, de gigantesque. Ouais. Donc c'était du pain béni pour vos caméras, effectivement, que d'aller les filmer. Alors comment vous avez fait votre choix? Alors vous avez déplié une grande carte avec les plus beaux ouvrages de la planète. Alors quand on travaille sur un film comme ça, l'idée c'est quand même de raconter une histoire et d'aller chercher à la fois des endroits qui sont intéressants en termes de science et à la fois en termes d'histoire humaine. On sait par exemple, enfin, l'histoire de Ferdinand de Lesseps, elle est dingue. Donc on a le canal de Suez qui était sa grande réussite et puis ensuite le canal de Panama qui est son grand échec et on sait que on va avoir et des histoires humaines et des histoires d'ouvrages et des histoires de science, et ça c'est intéressant. Donc c'est comme ça en fait qu'on fonctionne, on cherche des choses qui soient à la fois des belles histoires et à la fois qui soient en science intéressantes. Frédéric Restagnaud, ce sont donc tous les ouvriers, les acteurs, évidemment, de ces constructions. Alors les ouvriers non, mais en tout cas les ingénieurs qui peuvent vous en parler, que vous avez croisés donc à l'occasion de ces voyages. Oui, alors ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. Par exemple, Ilia, qui est l'ingénieur qui était responsable du nouveau système d'écluses du canal de Panama. Ingénieureux. Ouais. C'est une dame pas très grande et qui est chef de nombreux hommes et qui a vraiment piloté le renouveau du canal de Panama. Ouais. Et ça, c'est vraiment incroyable de rencontrer des gens comme ça. Il y a eu deux canaux, en fait, à Panama. On peut presque dire des choses comme ça. Il a fallu vraiment remoderniser à cause des porte-containers en particulier qui devenaient de plus en plus gros, d'où la nécessité de pouvoir élargir ce canal. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que le canal de Panama, le premier canal de Panama qui a été inauguré en 1914, a bien rendu service, sauf qu'à un moment, il y a de la concurrence et effectivement, les porte-conteneurs grossissent. Et pour garder sa place au niveau du commerce mondial, Panama a décidé d'élargir le canal. Mais au-delà du fait qu'ils l'élargissent, c'est construire des nouvelles écluses qui font plus de 300 mètres de long. Enfin, on fait rentrer une tour Eiffel là, dans un bassin des écluses dans le nouveau canal de Panama. Ouais. Donc voilà, c'est... Même plus qu'une tour Eiffel, parce que certains de ces porte-containers font quasiment 500 mètres de long maintenant. Et donc, effectivement, ça ne s'adaptait plus du tout à ces constructions. Hein. Ouais, alors les bassins à Panama, ils font 329 mètres, mais bon, mais ils envisagent de construire encore un autre jeu d'écluses plus grand pour ces super, super Panamax. Voilà. Mais c'est des histoires. Enfin voilà, Ilia, qui a supervisé les travaux du canal. Enfin, il faut s'imaginer le canal de Panama. Voilà, c'est 77 km de long. Ça traverse le Panama. C'est relativement étroit. Quand on décide de l'élargir, enfin c'est un champ de mines quoi. Vous verrez dans le film, mais c'est des explosions partout. C'est vraiment un chantier mais hors norme. Et puis après, ce qui est intéressant aussi dans le canal de Panama, c'est comment on joue justement avec la statique et la mécanique des fluides pour pas trop dépenser d'énergie, trouver des solutions malines pour avoir le canal le plus efficace possible avec des systèmes de pilotage les plus efficaces possible. Frédéric Restagneau, alors racontez-nous un petit peu ce que vous faites vous d'abord dans votre laboratoire en tant que physicien et spécialiste de la mécanique des fluides et chercheur donc au CNRS. Alors votre travail, c'est de travailler sur des toutes petites choses. Hein. Oui, alors... Ce qu'on a fait avec ma collègue Emmanuelle Rio depuis quelques années, c'est essayer de comprendre les bulles de savon, par exemple, la stabilité des bulles de savon. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est la question de qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'eau savonneuse comme savon pour fabriquer les bulles les plus grandes possibles. Mais qui vous le demande, ça, en fait? Ce sont des fabricants de savon? Personne. Qui se posent la question? C'est juste de la belle recherche fondamentale. En fait, les seules personnes qui se demandent vraiment ça, ce sont les parents qui essayent de faire les bulles, des bulles avec leurs enfants le week-end et qui, quand ils sont arrivés au bout du pot qu'ils ont acheté, sont désespérés parce qu'ils réussissent pas avec leur liquide vaisselle à faire des grandes bulles. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on ne sait pas aujourd'hui prédire théoriquement la taille maximale d'une bulle de savon. Ouais. Et à partir du moment où il y a quelque chose qu'on ne sait pas, bien mon travail de physicien, c'est d'essayer de répondre à cette question-là. Bon, et alors le lien entre vos bulles de savon, mais pas que les bulles de savon, et justement ces grands ouvrages, ce sont des lois de la physique, tout simplement. Bah oui, c'est l'hydrostatique, c'est comment la pression, comment les fluides s'écoulent, et finalement les lois qui existent dans une bulle de savon, ce sont les mêmes lois qui existent sur un barrage comme le canal. Avec des pressions énormes, effectivement, pour supporter ces quantités d'eau absolument astronomiques. C'est-à-dire que depuis très longtemps, et dès l'Antiquité, on a pu maîtriser ces lois assez correctement pour parvenir à construire des ouvrages pareils. Alors, les pressions sont gigantesques, et ça, il faut vraiment se rendre compte que pour réussir à maîtriser ces pressions-là, il faut un peu d'ingénierie. C'est-à-dire que le chiffre qu'on doit avoir en tête, c'est que à chaque fois qu'on s'enfonce de 10 mètres dans un liquide, la pression augmente de 1 bar. Et 1 bar, ça veut dire 1 kg par centimètre carré. C'est beaucoup, hein. Et ça fait que, dès l'Antiquité, on a essayé de maîtriser ces forces de pression. Alors, on les maîtrise assez facilement si on met en œuvre beaucoup de matière, mais tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de maîtriser ses forces sans déplacer des tonnes de terre ou d'utiliser des tonnes d'acier. Ce qui est assez difficile d'ailleurs, hein, on s'en aperçoit dans la plupart de ces constructions. Emmanuel Sudre, alors l'enquête commence en Grèce, parce qu'il s'agit vraiment d'une enquête scientifique, comme on va vouloir le découvrir ce soir, à Corinthe, parce que c'est là-bas qu'est née l'idée d'un canal au début, c'est ça, hein? Alors, en tout cas, à Corinthe est née l'idée d'un canal dès l'Antiquité. Corinthe, c'est un isthme, et en fait, il fallait contourner le Péloponnèse pour passer d'une mer à l'autre. Et il y a eu toute une période, certains historiens grecs, un peu fiers, disent que Corinthe, c'est le premier chemin de fer de l'histoire, dans la mesure où en fait on sortait les bateaux, oui. On les plaçait sur un chemin avec des rondins et on les faisait rouler comme ça, d'un côté à l'autre, d'une mer à l'autre. Ce qui n'est pas très pratique. Non, ce qui n'est pas très pratique, mais je crois que c'était quand même plus pratique que de contourner. Oui. Et puis donc, au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs tentatives et plusieurs idées pour construire ce canal, mais en fait, il a été construit à la fin du 19e siècle. Voilà, c'est que il y avait le canal de Suez et c'est revenu comme ça. C'est un peu sonné comme un signal d'alarme chez les Grecs qui se sont dit bon, on doit pouvoir faire quelque chose. Mmh. Et alors ce canal, il est hyper impressionnant parce que il est pas très long, il fait 6 km, hein, mais quand on le voit du dessus, c'est vraiment une tranchée extrêmement étroite. Et vous verrez, mais sur les bords, sur les murs du canal qui sont vertigineux, vraiment c'est vertigineux, il y a des traces de peinture. C'est-à-dire que le canal, il fait 24,60 m de large. Il y a des bateaux qui frottent, franchement. Ouais. Et pour traverser ce canal, il y a un remorqueur qui aligne les bateaux dans l'axe. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de marge, ni d'un côté, ni de l'autre. Ouais, mais tout ça, ça permet d'éviter quand même une distance incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'on a économisé... Ouais, entre 10 à 14 heures, entre 10 à 14 heures de navigation avec le canal de Corinthe. Ouais. Et ça a été le but, évidemment, à chaque instant, c'est de pouvoir gagner du temps et des distances, évidemment, grâce à ces constructions. On se retrouve dans un instant. Ce film Barrage, canaux, les maîtres de l'eau, c'est ce soir sur France 5. On se promène comme tous les soirs. On se dit rien. On va de bar en bar. Ça rime à rien comme tous les soirs. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Spéliade allume la digue comme tous les soirs. Aux couleurs nostalgie, aux couleurs désespoir. Il nous peint les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Sera un autre soir. Oh. c'est pas grave demain. Ostende, bonsoir. Ostende, bonsoir, c'était la voix d'Arnaud. La tête au carré. Sur France Inter. Et non loin d'Ostende, il y a, ben tiens, le Pays-Bas, les Pays-Bas avec les polders. Et vous en verrez ce soir d'ailleurs dans ce documentaire Barrage, canaux, les maîtres de l'eau. France 5 ce soir, 20h50. Et avec nous, Frédéric Restagno, physicien, et Emmanuel Sud, co-auteur du film, pour nous en parler. Il faut évidemment parler des polders, parce que ça c'est très très impressionnant, évidemment. Emmanuel Sud, ce sont des constructions qu'on connaît peut-être moins bien chez nous, mais qui sont absolument essentielles pour un pays comme le Pays-Bas, qui souffre évidemment de la montée des eaux. Oui, alors d'abord les polders aux Pays-Bas, c'est pour gagner de la place et gagner des terres fertiles et agrandir le pays, à tel point que il y a des nouvelles provinces qui sont complètement sorties de terre. Dans le film, on va au Flevoland, et le Flevoland, ça n'existait pas. Le Flevoland, ça existait parce que on a asséché et endigué une partie de la côte des Pays-Bas. Ouais, les polders, donc c'est sont des terres extrêmement fertiles et effectivement qu'il faut protéger, c'est-à-dire que aux Pays-Bas, il y a un quart de la surface du pays qui est sous le niveau de la mer. Autant vous dire que, avec la possibilité de la montée du niveau des eaux, c'est quelque chose qui est vraiment très surveillé et très dangereux. Par ailleurs, aux Pays-Bas, il y a une énorme tempête en 1953 qui a été extrêmement dévastatrice et qui a fait naître le plan Delta, qui a été en gros un plan de protection par des digues et en fermant des bras de mer de tout le pays, qui s'est révélé d'ailleurs extrêmement efficace. Et aujourd'hui, il y a un nouveau plan Delta, justement avec la perspective de la montée des eaux. Ouais. Et il y a des ouvrages absolument dingues. Le barrage de l'Escaut oriental, qui fait 3 km de long, qui n'est pas un barrage fermé parce que qui doit pouvoir laisser passer l'eau et la puissance de l'eau jusqu'à un certain point. Donc ce sont des portes amovibles. Elles sont ouvertes ou fermées. Et ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Frédéric Ressagnon, vous avez vu donc ces polders néerlandais. J'ai eu la chance de voir ces polders du ciel. Ouais. Et du ciel, on se rend vraiment bien compte de tous ces territoires gagnés. On voit tous ces moulins et on n'a pas forcément conscience, quand on va aux Pays-Bas pour la première fois, que les moulins, ils sont pas là pour faire de la farine ou pour faire joli. Ils sont là pour vraiment assécher les polders. C'est un élément de vie du pays complètement ancré. Et évidemment, aujourd'hui, on utilise de moins en moins ces moulins, et il y en a de moins en moins. On utilise les nouveaux progrès, les machines électriques, les machines thermiques. Mais tous ces moulins-là, c'est le début de l'ingénierie pour gagner du terrain sur la mer. Ouais, ces polders, ils ont montré leur efficacité, en tout cas ces barrages aussi, pour se protéger de la montée des eaux. Ou est-ce que finalement, on a encore l'impression que l'homme reste très vulnérable par rapport aux éléments ? Il y a plus de grands accidents aux Pays-Bas depuis le grand accident de 1953, grâce au plan Delta. Mais par exemple, le barrage anti-tempête de l'Escaut oriental, il a été fermé 26 fois depuis 1986. Donc sans ça, ça ferait sans doute de nombreux accidents. Donc vraiment, l'ingénierie, là, elle est vraiment au service de la vie des gens. Ouais. Alors vous nous emmenez justement dans les entrailles de ces structures absolument incroyables pour voir comment ça fonctionne quand justement il y a une alarme qui arrive sur la montée des eaux. Oui, au barrage de l'Escaut oriental, en fait, c'est très très bien fait, puisque il y a la limite, donc il y a la limite de montée des eaux à partir du moment où les portes se ferment, et puis il y a la limite de montée des eaux qui a été atteinte en 1953. Et tout est prévu, en fait, pour que si jamais le personnel est bloqué, ne peut pas venir, fait un malaise, enfin tout ce que vous voulez, tout est fait pour que ça se ferme automatiquement. Ouais. On verra donc ces images-là ce soir. Et puis nous irons au Paraguay avec le barrage d'Itaipu, binational, c'est le nom exact de ces barrages. Extrait du documentaire pour en discuter avec vous. L'eau, un atout qu'exploite l'Amérique du Sud, et plus particulièrement le Paraguay, qui fait partie de l'un des rares pays au monde 100% hydroélectrique. Sans accès à la mer, le pays est cependant traversé par l'un des fleuves les plus importants d'Amérique latine, le fleuve Paraná, frontière naturelle entre le Brésil et le Paraguay. Alimenté par de multiples cascades, comme celle de Saltos del Monday, il draine des milliers de cubes d'eau avec une puissance inégalée. À quelques kilomètres de là, cette richesse a permis au Paraguay et au Brésil de construire main dans la main un barrage binational, celui d'Itaipu. Le barrage mesure près de 7,5 km. Sa hauteur totale est de 225 mètres. La hauteur de chute est de 120 mètres. L'eau arrive dans chaque turbine, produisant chacune 700 MW. Itaipu binational a une capacité de 14 000 MW. Si on compare avec une centrale nucléaire de 1000 MW de production, cela équivaut donc à 14 centrales nucléaires. Voilà, et on peut parler d'un véritable monstre avec ses 7 km. Et Frédéric Restagno, vous étiez donc sur place au Paraguay. Et on a ce sentiment justement de gigantisme quand on est au cœur de cette installation ? Eh bien oui et non en fait. Oui, parce que l'endroit est absolument incroyable. On voit des conduites forcées absolument gigantesques, mais tout est grand. Et on en perd le sens commun, c'est-à-dire que c'est immense, mais immense comment ? On sait plus vraiment. Et c'est les chiffres qui rendent Itaipu absolument incroyable. Moi, c'est vraiment l'endroit qui m'a le plus fasciné, c'est-à-dire que j'ai eu besoin de chiffres pour me rendre compte à quel point le barrage d'Itaipu, c'était un monstre. Ouais, alors, c'est le plus puissant du monde, hein. C'est une certitude. Oui, c'est celui qui produit le plus d'électricité par an. 14 gigawatts, on se rend pas forcément bien compte. Un réacteur nucléaire en France, c'est 900 mégawatts. C'est-à-dire que, allez, disons que c'est 14 réacteurs nucléaires. C'est à peu près le quart de la puissance électrique nucléaire qu'on fabrique en France aujourd'hui. Tout ça sur un barrage. Ouais. C'est vraiment monstrueux. Avec évidemment cet édifice qui a été, on l'entendait, construit à la fois en coopération avec le Brésil et le Paraguay. Hein. Oui, c'est ça. Je crois que c'est le seul exemple au monde. Le fleuve Paraná, c'est la frontière naturelle entre le Brésil et le Paraguay. Donc, le barrage, il est posé sur ce fleuve. Et par exemple, au milieu de la salle de contrôle, c'est assez étonnant, il y a la frontière qui est matérialisée. Il y a des équipes brésiliennes et des équipes paraguayennes qui travaillent ensemble. Toujours est-il que c'est aujourd'hui un seul ouvrage qui produit cette électricité, mais c'est vraiment étonnant. Et moi, ce que je trouve fascinant, le barrage d'Itaipu, c'est un barrage poids. C'est-à-dire qu'il tient par son propre poids. Il est tout simplement posé sur le lit de la rivière. Il n'y a pas de pieux, il n'y a pas de quelque chose qui relierait le sol au barrage. Il est juste posé. Et franchement, les images, quand vous êtes à l'intérieur, sous les 225 mètres de voûte de ce barrage, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On voit la construction aussi de ce barrage qui était proprement hallucinante, puisque justement pour édifier cet ouvrage, il a fallu construire à côté, dévier en tout cas la rivière, c'est ça, canal. C'est toujours ce qu'on fait quand on construit un barrage. Quand on choisit un fleuve sur lequel on va édifier un barrage, pour pouvoir édifier ce barrage, il faut dévier ce fleuve. Donc on dévie le fleuve et puis on construit le barrage et puis après on fait une remise en eau. Donc effectivement, sauf que là, la déviation, c'est quelque chose de gigantesque. Ouais. Est-ce qu'il a inspiré d'autres constructions, Frédéric Sagnot, ce barrage du Paraguay, ou est-ce qu'aujourd'hui finalement on étudie encore de nouveaux modèles qui se perfectionnent sans cesse avec les nouvelles connaissances ? Non, il n'y a pas. Je veux dire, ce qui est vraiment particulier avec ces objets-là, c'est que ils dépendent vraiment de l'environnement dans lequel ils sont placés. Et là, il y a un environnement assez magique à Itaipu, qui fait que d'abord, il y a beaucoup d'eau. Hein, le fleuve Paraná, c'est un des plus grands fleuves d'Amérique du Sud. Et puis, il est dans une espèce de gorge qui fait que les techniques qu'on a utilisées à Itaipu, on peut pas les reproduire ailleurs. Par exemple, aux Trois Gorges, les choses sont très différentes. Ouais, on partira en France dans un instant avec le barrage de Tignes, qui lui aussi est dans le genre un ouvrage absolument extraordinaire. Et puis on ira se balader aussi au bord du canal Saint-Martin, Emmanuel Sudre, parce que là aussi, c'est l'héritage de connaissances assez anciennes. Ça a commencé quand cette science du canal telle qu'on la connaît là sur le canal de l'Ourcq ou le canal Saint-Martin à Paris ? C'est cette invention géniale que sont les écluses à sas. Enfin voilà, ça c'est quand même, parce que tracer un canal à la limite maritime à niveau d'une mer à l'autre, vous creusez et puis à un moment il y a l'eau qui rentre et puis vous passez là-dessus. la tâche se corse, évidemment, quand il y a du dénivelé. Comment vous voulez faire gravir un bateau, ben, je sais pas, 10, 15, 20, 25 mètres. Et pour ça, on a créé les écluses. Et à Paris, sur le canal Saint-Martin, qui est pas très long, il y a quand même 9 écluses qui permettent de faire franchir ces 25 mètres de dénivelé. Ouais. Et les écluses, c'est les vases communicants. Frédéric Restagno. Ben oui, les écluses, c'est l'idée que quand on a deux réservoirs de liquide, bien les pressions doivent s'équilibrer entre les deux réservoirs et à la fin, les niveaux d'eau dans les deux réservoirs doivent être égaux. Et ça, on apprend ça quand on fait de la mécanique des fluides pour les tout-petits. Et quand on voit ça sur une écluse, ben c'est un peu plus magique parce que ça prend sens. Ouais, science des écluses qui date du XVIe siècle, évidemment, et ben, qui fait toujours ses preuves aujourd'hui quand on va se balader. Et ce qu'on fera ce soir également sur France 5. On se retrouve dans un instant et on partira justement en Savoie, à Tignes, pour évoquer l'un des derniers ouvrages de ce documentaire Barrage Canaux, les maîtres de l'eau. When I was a boy, no rooftop on my joy. When I was a child, nowhere, no how, no one, nothing was not made of fire. 6 times the charm. Hello, c'était Kevin Morby. La tête au carré. En France, les Alpes concentrent le plus grand nombre de barrages du pays. Plus de 120. Parmi eux, un barrage voûte construit par André Coyn, le barrage de Tignes. Culminant à plus de 180 mètres, cet ouvrage est le plus haut de l'Hexagone. Mais sa construction, entamée en 1941, a demandé le sacrifice d'un village entier. Tignes est condamné, Tignes vit ses derniers jours. L'ordre d'évacuation a été affiché et chacun a reçu l'avis personnel qui lui enjoint de partir. Déjà, la force armée est sur les lieux. Mais Tignes ne veut pas mourir, les Tignards veulent rester. Voilà, ce film Barrage Canaux, Les Maîtres de l'eau, effectivement, avec ce passage consacré à la Savoie et au barrage de Tignes. Et puis, comme d'ailleurs beaucoup d'autres ouvrages dans le monde, on voit que les vies humaines et puis également l'environnement ont été très touchés par ces constructions. Alors, à Tignes, c'était un déplacement de population. Et ça, c'est difficile, évidemment, pour tous les habitants de ces régions d'admettre qu'il faille un jour devoir se déplacer pour laisser tout simplement... l'eau s'exprimer, Emmanuel ouais. Sudre. Oui, c'est ça. Alors, Tignes, en plus, les archives, elles sont saisissantes. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez triste, en fait, à voir ce village disparaître sous les eaux. Mais à d'autres endroits, c'est pas seulement des questions de déplacement de population, même si c'est le cas systématiquement, quasiment, quand on construit un barrage. C'est toutes les questions aussi de la menace qui pèse sur la biodiversité. Quand on dévie le cours d'un fleuve, quand on bloque son écoulement, quand on crée des retenues, forcément, ça a des conséquences sur l'environnement. Alors après, la difficulté et l'enjeu aussi, et je crois pour les ingénieurs de demain, c'est aussi de trouver le bon ratio entre la production d'une énergie propre et comment on préserve aussi au mieux l'environnement dans lequel on va construire l'ouvrage. Et c'est toute l'histoire du barrage de Tignes, d'ailleurs, hein, construit dans ce contexte de l'après-guerre, avec évidemment cette indépendance et énergétique qui était nécessaire. Oui, c'est ça, c'est que voilà, l'énergie hydroéléctrique, ça s'appelle sans doute encore la houille blanche. C'est assez joli. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et voilà, l'idée, c'était quand même d'assurer un apport en électricité qui soit constant. Parce que l'intérêt d'un barrage, c'est d'avoir du stockage d'électricité à la demande. Vous faites un lâcher d'eau, ça part dans les conduites forcées, ça produit l'électricité immédiatement. Donc voilà, c'était ça aussi. Et Tignes, aujourd'hui, eh ben, ça fonctionne encore très bien. C'est un barrage qui fait 180 mètres de haut. C'est le plus haut de l'Hexagone. C'était, au moment de sa construction, le plus haut d'Europe. Et voilà, et encore une fois, quand vous êtes là, sur ce barrage, ou dans ce barrage, il y a quelque chose à vraiment couper le souffle. Eh bien, racontez-nous, Frédéric Ressaignon, parce que vous avez eu la chance, justement, de vous y rendre. Alors, même chose, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ce soir dans le film? Vous avez pu accéder vraiment à toutes les coulisses du barrage de Tignes? On rentre vraiment dans l'intérieur du barrage, parce que le barrage, il fait 10 mètres de large en haut, 44 mètres de large en bas. Ça, c'est un effet de la pression, hein. Je veux dire, la pression est plus grande en bas, donc il faut que ça soit plus large en bas pour résister à la pression. Donc on peut rentrer à l'intérieur, prendre un ascenseur. Quelque chose qu'on voit pas dans le film, c'est que l'ascenseur est gradué pas en étages, mais en mètres. Donc on part à zéro et puis on descend de 200 mètres. Ouais, parce que vous, on vous voit descendre à pied, hein. Vous avez fait des efforts, mais vous avez pris des marches. Oui, mais parce que pour l'intérêt du tournage, des fois, il fallait remonter. Et donc on voit ça, on rentre à l'intérieur du barrage, on voit comment un barrage c'est vivant aussi. En fait, un barrage c'est une structure qui a l'air assez statique, mais elle bouge en permanence. Et il faut contrôler la manière avec laquelle elle bouge. Par exemple, suivant l'ensoleillement ou suivant le niveau d'eau à l'intérieur du barrage, la structure peut se déformer un petit peu. Alors de quelques centimètres, c'est petit quelques centimètres, mais c'est quelque chose qui est parfaitement mesurable et qui est parfaitement mesuré chaque jour. Et donc il y a des grands fils à plomb qui descendent tout le long du barrage et dont on regarde comment ils se déplacent en fonction de la respiration du barrage. Mais c'est quasiment un être vivant, effectivement, parce qu'on le voit suinter et transpirer aussi dans le film. Et c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, c'est ce que vous nous dites, parce que quand on est autour de ce barrage de Tignes, on voit effectivement des écoulements d'eau absolument partout. Et heureusement qu'il y en a. Hein. Ça, c'est ce que disent les ingénieurs. Les ingénieurs, quand on se retrouve sous le barrage de Tignes et que les roches suintent en permanence de l'eau, j'avoue que je suis pas forcément rassuré quand je vois toute cette eau qui nous tombe dessus. Mais c'est normal. Et en fait, si l'eau ne ruisselait pas en permanence du barrage, alors ça serait inquiétant. Et en fait, à quoi ça sert? Pourquoi ça ruisselle? Le ruissellement permet de faire baisser un tout petit peu la pression à l'intérieur du barrage et empêcher que des forces trop importantes travaillent sur la structure. Emmanuel Sudre, alors il y a un personnage très important, c'est André Coyne. On entendait son nom là dans l'extrait il y a un instant. C'est lui qui a imaginé cet ouvrage, qui a fait aussi progresser la connaissance, hein, qui a apporté beaucoup. Oui, alors André Coyne, c'est un personnage méconnu du grand public et... c'est normal, mais c'est quelqu'un qui a effectivement, c'est un ingénieur, donc polytechnicien, pont et chaussée, qui a vraiment vraiment beaucoup apporté au barrage. Je crois qu'il a fait 77 barrages dans le monde, enfin c'est quand même quelque chose de très conséquent. en général avec succès, c'est lui effectivement qui a créé ce système hyper simple de fil à plomb pour surveiller les mouvements du barrage. Je dis avec succès, et aussi parfois, il y a parfois... ça s'est mal passé, et notamment il y a une catastrophe en France en décembre 59, dont sans doute certaines personnes se souviennent, qui a été la rupture du barrage de Malpassé, qui avait été, qui est un barrage voûte qui a été conçu par André Coyne. Ouais. On va écouter l'extrait d'ailleurs du documentaire à ce sujet. C'était effectivement le 2 décembre 1959, barrage aujourd'hui en ruine, construit sur le Rhénan, dernier affluent rive gauche de l'Argent, et on écoute un extrait. La qualité de la roche est primordiale pour construire un barrage. Et au moment de la première mise en eau, il n'est pas un concepteur, même André Coyne, qui ait vécu dans la sérénité le dernier mètre de remplissage. Car de tous les ouvrages construits de main d'homme, disait l'ingénieur, les barrages sont les plus meurtriers. Une sentence prémonitoire. En 1954, André Coyne achève le barrage voûte de Malpassé. Réservoir d'eau permettant d'irriguer les cultures de Fréjus, il fut construit dans la vallée du Réran, un torrent sec l'été et en crue l'hiver. Pendant plusieurs années, on a attendu que l'eau arrive pour le remplir totalement. 55, 56, 57, etc. Et il n'y a pas eu de contrôle, il n'y avait personne sur place. Comme il n'y a pas d'usine, puisque c'est uniquement pour avoir de l'eau, il n'y avait pas de surveillance. Pourtant, il y a eu quelques alertes, des bruits, de l'eau qui sourdait à certains endroits. La rive gauche, l'eau s'est infiltrée à l'intérieur du rocher. Vous savez que le rocher n'est pas étanche, il y a des fissures, il y a des failles. Et le 2 décembre 1959, le barrage s'est rompu. Vers 21h, une vague de 40 mètres de haut s'engouffre dans la vallée étroite à la vitesse de 70 km/h. Balayant tout sur son passage, elle déferle sur Fréjus 20 minutes plus tard, avant de se jeter dans la mer. Le bilan est catastrophique. Plus de 423 victimes. La France est sous le choc. André Coyne assume l'entière responsabilité du drame. C'était une consternation absolue. Lui-même l'a vécu absolument dans l'horreur. Il est mort 7 mois après. Il avait déjà un cancer. Mais on peut dire que la fin de sa vie a été d'une horrible tristesse. Par rapport à ce qu'il avait toujours dit, respecter la nature, écouter, etc., ausculter, c'est un déchirement absolu. Voilà, le barrage de Malpassé, évidemment, 423 morts, des dégâts matériels considérables. Hein. Ça a été vraiment quelque chose d'affreux à l'époque. Les routes, les voies fermées, les immeubles totalement détruits. Et effectivement, une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. André Coyne ne l'a pas supporté, d'ailleurs, hein, le constructeur de ce barrage. Ça a été probablement l'événement qui l'a conduit à la mort ensuite. Hein. Oui, c'est ça. C'est que dans le film, là, on vient d'entendre Bernard Tardieu qui travaillait aussi avec André Coyne. Et le barrage de Malpassé, ils ont refait tous les calculs, ils ont tout refait et il n'y avait pas d'erreur de conception. Il y a eu ensuite 10 ans d'enquête, etc., qui ont conduit à innocenter en quelque sorte André Coyne et ses équipes en disant que l'état de l'art à l'époque ne permettait pas d'envisager que la rupture de ce barrage. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la roche sur laquelle était posé le barrage était relativement friable. Il y a eu des infiltrations d'eau, justement, qui ne se sont pas drainées. Et à un moment, ça fait une pression phénoménale et tout explose. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que la sécurité est garantie aujourd'hui, Frédéric Restagnaud ? Vous l'avez constaté ou pas sur ces édifices qui, évidemment, à la fois suscitent de la fascination, mais aussi une certaine crainte ? Ben, je ne sais pas répondre exactement à cette question. Ce que je peux dire, c'est que il y a en permanence du contrôle et de la mesure de ce qui se passe sur ces ouvrages d'art. Et on a vraiment l'impression que les hommes qui sont sur place ont vraiment comme à cœur de protéger les populations. Ils habitent là. Ils ont vraiment envie que ils ont absolument pas envie que quelque chose de catastrophique se passe. Voilà, tour du monde de ces édifices absolument incroyables. On ira aussi également à Venise. Hein. On en avait déjà parlé dans Science Grand Format, mais vous avez fait une petite escale là-bas, et puis quasiment tous les continents concernés donc par ce documentaire Barrage, canaux, les maîtres de l'eau. C'est 90 minutes et c'est ce soir à partir de 20h50 sur France 5. Merci beaucoup Frédéric Restagnaud et Emmanuel Sudre d'être venus nous en parler. À très bientôt. Merci à vous. Ainsi s'achève cette tête au carré aujourd'hui. Merci Elisabeth Collet qui était à la technique, Frédéric Milano pour la réalisation. Et demain, on se retrouve en direct de Grenoble à l'occasion de la finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Et on aura le plaisir, comme chaque année, d'accueillir les trois lauréats de cette finale. Donc rendez-vous demain en Isère. D'ici là, bon après-midi et à bientôt.